14-42, activation orale, dialogue entre Robert et Mireille. Écoutez cet échange entre Robert et Mireille. Vous allez apprendre les répliques de Mireille. C'est vraiment beau, vous ne trouvez pas? Oui, c'est une belle matinée. Vous êtes étudiant? Oui, je fais de l'histoire de l'art. Moi, je viens des États-Unis. Ah, vous êtes américain? Oui. Eh bien, vous n'avez pas d'accent du tout pour un américain. Maintenant, répétez. C'est vraiment beau, vous ne trouvez pas? Oui, c'est une belle matinée. Vous êtes étudiante? Oui, je fais de l'histoire de l'art. Moi, je viens des États-Unis. Ah, vous êtes américain? Oui. Eh bien, vous n'avez pas d'accent du tout pour un américain. Et maintenant, c'est à vous. C'est vraiment beau, vous ne trouvez pas? Vous êtes étudiante? Moi, je viens des États-Unis. Oui.